Danke. Fais la pierre dans l'eau. Fais pierre dans l'eau. On les ricochets ratés dans l'eau. Fais planer la danse sur la plage. On les pousse pour un problème de prononciation avec les L. On les enfants dans la cour de récré. On les français quand ils s'abstiennent. On les poules qui ont un problème de prononciation avec les L. Fais la bombe à eau quand elle tombe d'en haut. Fais la station de mire quand elle tombe d'en haut. Fais flipper le dauphin. Fais le flipper dans l'eau. Fais le commandant Cousteau. Fais le capitaine Nemo. Fais Santiago. Fais Saint-Exupéry quand il n'a plus d'essence. Pour les bateaux de Noël quand il y a trop d'essence. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait quand on disparaît.